Ikea.fr et venez le récupérer dès le jour même dans votre magasin. Et pour l'achat d'un sapin Nordman à 24,99€, recevez un bon d'achat de 20€. Ikea. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions sur Ikea.fr. C'est Noël dans les pubs brasseries au bureau. Rendez-vous du 1er au 24 décembre dans votre pub au bureau pour tenter de gagner chaque jour des cadeaux. Plus de 50 000 lots à gagner. Et participez au grand tirage au sort pour remporter le voyage de vos rêves d'une valeur de 20 000€. Vivez un Noël extraordinaire au bureau. Jeux sans obligation d'achat dans les hauts bureaux participants, voire conditions sur aubureau.fr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bonjour à tous, il est 7h30, c'est le double expresso RTL2, voici vos infos avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Calmer la colère des gilets jaunes, mais aussi ménager les écologistes, c'est l'objectif que s'est fixé Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'adressera aux manifestants ce matin à partir de 10h30 depuis l'Élysée. Il va tenter de calmer la colère des automobilistes tout en fixant le cap énergétique des 10 prochaines années. Parmi les annonces attendues, la création d'un haut conseil pour le climat. La chute de Carlos Ghosn se poursuit. Après Nissan, c'est Mitsubishi qui lui a retiré son titre de président du conseil d'administration, une décision prise à l'unanimité une semaine après son arrestation au Japon pour des soupçons de fraude fiscale. Officiellement, Carlos Ghosn n'est donc plus PDG que de Renault. Le groupe a lancé une enquête interne pour vérifier ses rémunérations. On devrait en connaître les conclusions d'ici à la fin de la semaine. Des diagnostics trop tardifs. 28% des personnes diagnostiquées séropositives ces deux dernières années l'ont été à un stade déjà très avancé de l'infection. C'est ce que révèle une étude Santé publique France à 4 jours de la journée mondiale de lutte contre le sida. Le dépistage doit donc encore être intensifié, dépistage qui est par ailleurs insuffisant chez les plus de 50 ans. Coup d'envoi de la campagne d'hiver des Restos du Cœur. L'association de Coluche lance aujourd'hui sa 34e campagne d'hiver à partir de maintenant et jusqu'en mars. Les bénévoles vont distribuer de la nourriture à des centaines de milliers de personnes dans tout le pays. Cette année, ils s'attendent à recevoir près de 900 000 bénéficiaires. Un chiffre qui ne cesse de grimper et qui concerne de plus en plus les jeunes. L'an dernier, 38% d'entre eux étaient mineurs. La moitié avait moins de 25 ans. On passe au sport, Raphaël. En football, objectif 8e de finale pour Lyon ce soir. Et oui, 21h, l'OL, 2e de sa poule, accueille Manchester City à l'occasion de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. En septembre, les Français avaient réussi l'exploit de battre les Anglais 2-1. Demain, le Paris Saint-Germain recevra Liverpool. De son côté, Monaco se déplacera sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Enfin, toujours en foot, Nîmes reçoit Saint-Etienne ce soir à 19h. Un match dans le cadre des 16e de la Coupe de la Ligue. La rencontre prévue le mois dernier avait été reportée à cause du temps. Le temps, justement, aujourd'hui, une nouvelle personne. Oh ouais, quel l'enchaînement. La production américaine, possède les Amériques. Ouais, ouais, ouais. Transition parfaite. Une nouvelle perturbation pluvieuse arrive ce matin par la Bretagne et la basse Normandie. L'après-midi, elle va s'étendre sur un bon quart nord-ouest du pays. On attend beaucoup de vent près des côtes, jusqu'à 90 km/h dans le Finistère. Du côté de la Méditerranée, en revanche, il y aura de belles éclaircies, avec là aussi beaucoup de mistral et de tramontane. En Corse, le temps sera variable, avec quelques averses. Et sur le reste du pays, c'est la grisaille qui dominera aujourd'hui. Les températures ce matin, 3 degrés à Fessenheim, 5 à Boulogne-sur-Mer, Paris et Fréjus, 8 à Vannes, 9 à Saint-Jean-de-Luz et 10 degrés à Saint-Florent. 7h33, je vais pas survendre ma chanson du jour, mais c'est une acoustique RTL2. Ah, j'ai hâte. Ah, c'est un titre incroyable après Milky Chance. Bonjour à tous. They've always been so kind, but now they've brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. pain caused by absence of you. Suspense controlling my mind. I cannot find a way out of here. I want you by my side so that I never feel alone again. Now. Sur RTL2. RTL2, la chanson du jour. Tu en as l'air tellement fier que j'ai hâte de l'entendre. Et je suis fier pour la radio, pour ce qu'on représente, pour ce qu'on vous offre régulièrement. Hashtag frisson, ils sont déjà passés par la case ma chanson du jour. Sont les Anglais de Stereophonics. Avec le titre Have a Nice Day, extrait de l'album Just Enough Education to Perform. C'était en juin 2001, c'est l'un des plus grands succès du groupe. C'est une chanson très joyeuse, vraiment sympa. Et bien là, je vais vous l'offrir d'une manière différente. Avant l'histoire de cette chanson, sachez qu'ils sont en tournée aux États-Unis. Un jour, ils prennent un taxi à San Francisco, dans la baie de San Francisco. Et ils tombent sur un chauffeur de taxi qui était assez mal aimable, qui leur dit « Je déteste cet endroit, il n'y a que des touristes. » Ils disent « Oh là, ça part pas très bien. » Et le gars leur dit « Mais je suis quand même un poète, et pour moi, tous les êtres humains sont les mêmes. Il n'y a que les accents qui nous différencient. » Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est ce qu'il leur a dit. Hein, voilà, c'est ce que nous raconte le chanteur. Et il termine sa course par un « Have a nice day, guys !» Et donc, du coup, le groupe s'est dit « Have a nice day », ça serait un bon titre de chanson. Eh bien, la version que je vais vous proposer, c'était en février 2013, lorsque Stereophonics est venu dans les studios de Feu Rue Bayard, nos anciens studios, pour une session acoustique signée Francis Zégut. Eh bien, c'est ce morceau-là qu'on va écouter ce matin. C'est un truc en exclusivité totale, il n'y a que chez RTL2, vous pouvez l'entendre. C'est le groupe Stereophonics dans le double expresso RTL2 avec « Have a nice day » en version acoustique RTL2. Écoutez, c'est sublime. San Francisco Bay, past Bay 39, early PM, can't remember what time. Got the waiting cab, stopped at the red light, dress I'm sure of, but it's not just right. Straight off, coming here as hell. That's his first words. We asked what a man. He said, where you from? We told him my lot. You take a holiday. Is this what you want? So have a nice day. The same ways, all the sounds don't change. So have a nice day. So have a nice day. So have a nice day. So have a nice day. Every day.

7h46, alors oui, on va jouer à la banque RTL2 au 3228 ou par SMS. Oui, banque au 74 900, voilà, vous envoyez un petit SMS. On peut gagner jusqu'à combien, Jonathan Donnel? Jusqu'à 10 000 euros. Ah, tu le tiens bien. Ah ouais, je l'ai. 10 000 euros. Et on vous invite à aller sur la page Facebook Double Expresso RTL2 parce que tout à l'heure, on vous parlait de Freddie Mercury. Allez rejoindre toutes celles et tous ceux qui discutent en ce moment sur notre page Facebook. Vous avez toutes les infos et également Instagram et Twitter. Et on lit tous vos messages, sachez-le. Très merci. Important, on vous le dit. Merci Police sur RTL2. Giant steps are what you take, walking on the moon. I hope my leg don't break, walking on the moon. We could walk forever, walking on the moon. We could be together, walking on, walking. Et Walking on the Moon sur RTL2. C'est l'heure de la banque RTL2. 7h50, marcher sur la lune pour Police, décrocher la lune pour Anne, c'est son objectif. Bonjour Anne. Bonjour Greg, bonjour Justine. Coucou Anne, ça va bien? Ben oui, je suis bien, je suis contente d'être avec vous. Oui, plaisir partagé. Vous êtes en Vendée, à Olonne-sur-Mer, pour être tout à fait précis. Vous nous écoutez sur 96.6. Et alors vous êtes nounou, c'est votre métier. Oui. Vous vous occupez oui, des petits bouts de choux. Très bien. Voilà. Quel âge les enfants que vous gardez? Alors, il y en a un de 1 an et l'autre de bientôt 2 ans. Ah ouais? Et vous êtes maman en plus? Oui. Vous avez combien d'enfants? J'ai 3 filles. Oh là là, ça n'arrête jamais. Passion enfant, effectivement. Bravo en tous les cas. Heureusement que vous avez de l'aquagym pour vous remettre le week-end, parce que sinon on n'y arriverait pas, ma chère Anne. Ça détend, ouais. Ah oui, ça détend. Ce qui peut détendre également, c'est de décrocher un très beau coffre. Parce que vous le savez, on a des cadeaux exceptionnels. On peut gagner jusqu'à 10 000 euros. Hier, on avait Lara, notre gagnante des 10 000 euros, qui était de passage dans l'émission. Vous l'avez peut-être entendu. Elle est intervenue sur l'antenne à 8 h. On a des séjours du côté des domaines des Portes du Soleil, si vous aimez le ski, des smartphones, plein d'autres choses. Mais attention, au coffre vide, on a une minute pour jouer. Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Allez, top chrono, une minute, c'est la banque RTL de coffre. 200 euros. Waouh, du cash. Ouais, je vais continuer, il y aura peut-être un petit peu plus après. Il y aura peut-être un petit peu moins, coffre 2. Un iPad. Pas mal, ça grimpe. Encore un peu plus loin, alors. Gourmande, elle veut le gros lot, Anne. Coffre 3. Une montre Suunto. Une montre connectée. Oh, je continue. Coffre 4. Un tuba. Un tuba. Ah, je continue. 30 secondes. Coffre 5. Un lecteur DVD. Non, je continue encore. Ça coffre venait, 6. Un séjour pour deux personnes dans le domaine des Portes du Soleil. Le ski. Waouh. Non, je peux pas emmener les enfants. Je continue. 1180 euros. Oh là là là, coffre 7. Flûte. Flûte, crotte, zut. Voilà, moi je le dis, je dénonce. J'ai envie de m'excuser, c'est pas de ma faute, mais oui, pardon. Excuse-toi. Excuse-toi. Non, là, on n'y est pour rien. Non, le ski sans les enfants, c'est pas pareil. Non, je comprends. Bon, je suis désolé, ça va pas le faire ce matin pour la banque RTL2, malheureusement. On a laissé passer pour plus de 2300-400 euros de cadeaux. Bah oui, je sais, c'est le jeu, Anne, je sais. Ce jeu, c'est comme ça, oui. On vous invite à rejouer avec nous quand vous voulez. Pour la prochaine banque, toutes et tous, c'est à 8h45, 3228 ou banque au 74-900. On vous offre le mug du double expresso RTL2 et un DVD. Et puis Anne, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un double expresso.